Je m'allais mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre habit. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre et il y a déjà 2 mailles de rompues. Ils ne s'élargiront que trop. Oui, si j'aurai toujours des mailles. Vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. Point du tout, monsieur. Comment point du tout? Non, ils ne vous blessent point. Je vous dis qu'ils me blessent, moi. Et vous vous imaginez cela? Je me l'imagine parce que je le sens, vous y avez la belle raison. Tenez, voilà le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Et je le donne en 6 coups aux tailleurs les plus éclairés. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis les fleurs en bas? Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en amont? Est-ce qu'il faut dire cela? Eh oui, vraiment, toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les fleurs en bas? Et oui, monsieur. Ah, voilà qui est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non. Vous n'avez qu'à dire. Non, vous dis-je, vous avez bien fait. Croyez-vous que l'habit m'aille bien? Belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une reine grave, est le plus grand génie du monde. Et un autre qui, pour assembler un pourpoint, est le héros de notre temps. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Oh, monsieur le tailleur. Voilà de mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait, je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'en ai voulu lever un habit pour moi. Oui, mais il ne fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-moi. Attendez, cela ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence. Et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Voilà, entrez vous autres. Mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité. Gentilhomme, donnez s'il vous plaît au garçon quelque chose pour boire. Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme. Mon gentilhomme? Voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Allez-vous en demeurer toujours habillé en bourgeois, on ne vous dira point mon gentilhomme. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur, oh oh! Monseigneur, attendez, mon ami, monseigneur mérite quelque chose et ce n'est pas une petite parole que monseigneur... Tenez, voilà ce que monseigneur vous donne. Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur. Votre grandeur? Oh, attendez, ne vous en allez pas. À moi, votre grandeur. Ma foi, s'il va jusqu'à l'altesse, il aura toute la bourse. Tenez, voilà pour ma grandeur. Monseigneur, nous la remercions très humblement de ses libéralités. Il a bien fait, je lui allais tout donner.